إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc alhamdulillah rabbil alamin. Ça me fait bien plaisir d'être encore une fois aujourd'hui avec mes frères ici à Bruxelles. Et alhamdulillah, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? C'est lire une conférence du Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri hafizahullah, qu'il a donné à la mosquée Masjid Quba à Médine il n'y a pas longtemps de ça. Et le titre de cette conférence, c'est Wuduhul Manhaj wa Atharuhu fi Da'wati ila Allah, c'est-à-dire la clarté, al-wuduh, la clarté dans le manhaj et son effet dans la da'wa lorsqu'on invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance d'être clair, l'importance d'avoir des positions qui sont claires et non ambiguës dans les questions de da'wa. Donc on va lire ensemble cette muhadara, inshallah, que vous allez voir, qui est très bénéfique, très claire et qui clarifie beaucoup de choses par rapport à notre manhaj, notre méthodologie, notre voie, la voie qu'on suit, la voie des salaf al-salih, et la façon dont on doit faire cette da'wah, la façon dont elle doit être propagée, la façon dont elle doit être présentée aux gens. Et vous allez voir en même temps aussi qu'est-ce qui s'oppose à cette clarté parmi les différentes voies et différentes méthodologies des gens d'innovation, des gens de la passion, des gens de bid'a, des groupes, des hizbiyyah et des différentes voies d'égarement et des groupes de bid'a. Donc, on commence tout de suite avec la conférence du Cheikh. Il commence avec Khutbat al-Hajjah et ensuite il dit « Thumma amma ba'd ». « Kama sami'tum l'unwan li hadhihi l'muhadara ou hadha l'liqa ou hadhihi l'muzakara bi'unwan wuduhu l'manhaj » وأثره في انتشار الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وهكذا الأنبياء والرسل أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الأنبياء، وضوح في المقصد، وضوح في الهدف، وضوح في الوسيلة والطرح، وهذا الوضوح يجعل الملتقي مدرك لمراد الداعي وماذا يريد. ولذلك جمعهم صلى الله عليه وسلم في مكة ونادى في بطون قريش فدعاهم ماذا يريد، قال لهم كلمة، قالوا لك عشر، فقال يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Donc le Cheikh, il commence en disant: vous avez entendu le sujet de cette conférence ou de cette rencontre. ou de ce rappel qu'on fait ensemble, et que c'est intitulé la clarté dans le manhaj, la clarté dans la méthodologie, la clarté dans la voie. Le manhaj, c'est ce que ça signifie, la clarté dans la voie, dans la méthode, hein, dans le chemin qu'on suit, et son effet dans la propagation de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes, et de même que tous les prophètes et que tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons fait venir dans chaque nation un messager pour qu'ils disent à leurs différents peuples, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes, par les mushrikines. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle tarout. Et on appelle aussi tarout le shaitan, hein, parce que c'est le shaitan qui appelle les hommes à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la da'wa des prophètes, la da'wa au tawhid, et l'explication de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du rejet du shirk, et du rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une voie qui est, une da'wa qui est claire, claire dans son objectif, claire dans son but, claire dans le moyen qu'on utilise pour y arriver, et claire dans la présentation, et dans la façon de présenter cette da'wah. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de zone obscure ou sombre, elle est claire cette da'wah. L'objectif, il est clair, le but, clair aussi. Le cheikh ici dit ensuite, « Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu Allahu rahmatan lil'alamin wa hakadha al-anbiya wa rusul ajma'in. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, comme on a lu ça déjà, après il dit, cette clarté, elle fait que la personne qui reçoit le message, il comprend tout de suite qu'est-ce que la personne qui est en train d'appeler veut. L'objectif, il le comprend tout de suite. Son but, il le comprend tout de suite. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, hein? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il a appelé les gens de Quraysh, les gens des différentes tribus et de sa famille. Il les a appelés et il les a tous réunis. Et il les a appelés en disant, « Ya ma'ashara Quraysh, ô assemblée de Quraysh. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il veut, hein? » Les gens disent, « Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a rassemblés ?» Il dit, « Qu'est-ce que tu veux de nous, ô Muhammad ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, « Kalima, je veux une parole. Je veux de vous une parole seulement. » Ils ont répondu, « Walaka ashrun. » Il dit, « On t'en donne 10 paroles si tu veux. » Si tu veux une parole, c'est pas compliqué. On peut même t'en donner 10 si tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Dites, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir le succès. Donc ça, c'est la clarté, hein? Le cheikh il dit, wuduhun fi awwali murtaqa irtaqahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam وقد جمع قومه بعد أن قال لهم بعد أن قال له الحق تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فكان كذلك البيان العقيدة التوحيد فماذا كان منهم في مقابل ذلك الوضوح كان التمرد والعناد قالوا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فقال الله في ذلك القائل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Donc le cheikh il continue, il explique, il explique, il dit, depuis la première fois qu'il s'est adressé publiquement à eux, et qu'il est monté hein, à l'endroit où il s'est mis pour s'adresser à eux, et il les a réunis pour leur dire cette parole de vérité, de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, est-ce que c'est pour ça que tu nous as réunis? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset dans Surat al-Hijr, le verset 94. Fasda' bima tu'mar, expose clairement ce qui t'est commandé, ce qui t'est ordonné, et écarte-toi des mushrikines. Alors il s'est levé et il a exposé clairement, ouvertement, publiquement la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il leur a expliqué le but de sa da'wah de façon claire. Sa da'wah, c'est la da'wah du tawhid. C'est ça sa aqidah, c'est par ça qu'il a commencé. Et quelle a été la réaction de son peuple devant cette clarté dans sa da'wah? Eh bien ça a été le refus et le rejet et l'arrogance. Et ils ont dit, malheur à toi, que tu périsses durant tout le reste de la journée. Est-ce que c'est pour cette chose-là que tu nous as réunis pour nous dire ça? Pour nous appeler à la ilaha illallah, pour nous dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à ce moment-là une sourate dans le Coran, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit que périssent les deux mains de Abi Lahab. Hein? Tout ce qu'il a gagné comme richesse ou comme bien ne lui serviront en rien, ainsi que tout ce qu'il a acquis ne lui serviront en rien. Et il brûlera dans un feu plein de flammes. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. ولذلك عجبوا من هذا الوضوح. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انظروا يستعجبون من هذا يعني يستعجبون من ماذا؟ من دعوة الحق. فما كان منهم في مقابل ذلك الوضوح كان التنفير والتحذير وتواصوا على ذلك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تواصوا في محاربة دعوة الحق لأنها واضحة المعالم. Donc le cheikh il dit, c'était ça la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle était claire. Et c'est pour cette raison-là qu'ils se sont étonnés de la clarté de cette da'wah. À quel point elle était claire? Ils étaient étonnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Sa'd à ce sujet-là, et ils s'étonnent de voir un avertisseur de parmi eux qui leur vient, et les mécréants disent, les kafirouns disent, celui-ci est un sorcier, un menteur. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est certes une chose étonnante. Regardez, ils s'étonnent de quoi? Ils s'étonnent de la da'wah de vérité et de l'appel à la vérité et du tawhid. Alors, quelle a été leur réaction face à cette clarté? La réaction, elle a été qu'ils ont essayé de faire fuir les gens de cette da'wah et d'éloigner les gens de cette da'wah et de mettre en garde contre cette da'wah. Et ils se sont enjoints les uns les autres à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne leurs paroles à ce sujet-là dans le verset 6, dans Surat Sa'd, à la suite des versets qu'on a lus tout à l'heure. « وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ » Donc, les notables parmi eux sont venus aux gens et leur a dit « Allez, continuez et soyez endurants dans l'adoration de vos idoles. » C'est quelque chose qui est voulu de votre part, c'est-à-dire restez sur le shirk, restez sur l'idolâtrie, restez fidèles à vos idoles. C'est ça ce qui est voulu de vous. N'écoutez pas la da'wah du prophète. N'écoutez pas la da'wah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous appelle à adorer Allah seul et qui vous invite à abandonner l'adoration des idoles et des divinités. Donc ils se sont enjoints les uns les autres à combattre et à déclarer la guerre à la da'wah de vérité et à l'invitation du tawhid. Pourquoi? Parce qu'elle était claire depuis le début. Il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas de choses cachées dans cette da'wah. Hein? Et donc on a vu automatiquement à ce moment-là et directement l'opposition à cette da'wah. Hein? Donc c'est ça, c'est comme ça qu'elle doit être la da'wah. Claire, du premier coup, lorsque les gens l'entendent, lorsqu'on leur présente cette da'wah, il faut que les gens sachent à quoi on appelle, à quoi on invite les gens. C'est pas quelque chose qui est fait en secret, c'est pas quelque chose qui est mystérieux, c'est pas quelque chose qui est flou, c'est pas quelque chose qui est ambigu. Hein? Donc ça c'est très important et on va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette muhadara de quoi on parle et des exemples concrets de ça. Et comment certaines personnes opposent la da'wah des messagers et la clarté dans la da'wah avec toutes sortes de choses qui yani, viennent opposer ces exemples qu'on va donner. Le cheikh il dit bal inzuru ou inzuru fi muqabil dhalika al wudouh bimadha kanu ya'taridun bid da'awa al batila wa bil mukhalafat al sariha بل احتجوا بملل الكفر فإن ملل الكفر لا ترضى بالوضوح كما هو شأن اليهود الذين أثنوا على قريش ويعلمون أنهم على الباطل فماذا قالت قريش قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يعني إن آخر ملة ترى التخليف وهم النصارى وأنت تدعو إلى التوحيد وأن الله واحد فاحتجوا بما قد حرفته النصارى انظروا إلى ما يتشبث به المبطلون يتشبثون بالباطل ليسدوا الحق والحق واضح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Donc qu'est-ce qu'il dit, le cheikh ensuite? Il dit, regardez l'opposition à la da'wah de clarté, à la da'wah de vérité, comment ils ont opposé et par quoi ils ont opposé la da'wah de vérité. Ils ont opposé et ils ont ramené des objections à la da'wah de vérité qui sont des objections basées sur les prétentions qui sont totalement fausses. Aucune preuve, aucune vérité qu'ils ramènent, que des prétentions fausses et des choses qui sont des oppositions claires et explicites et directes de qu'est-ce qui est vrai. Hein. Et ils se sont même basés sur, comme argument sur les religions de kufr et les religions de shirk. Hein. Comme par exemple, il y a l'exemple des juifs, Allahul Musta'an, parce que les voies et les religions de kufr, ils n'aiment pas la clarté. Ils aiment l'ambiguïté. Donc le cheikh, il dit, regardez les juifs. Quand les gens de Quraysh sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander au sujet des musulmans et pour leur demander qui est meilleur d'entre nous. Est-ce que ce sont nous qui abreuvons les gens qui viennent faire le hajj et qui entretenons la maison Al-Kaaba, et qui nous occupons des gens qui viennent faire le hajj et ainsi de suite, ou bien ceux-là, les musulmans qui coupent les liens de parenté et ainsi de suite et ainsi de suite, ils essaient d'inventer des mensonges sur les musulmans pour demander le témoignage des juifs au sujet de qui d'entre les musulmans ou les mouchriquines est sur le haq. Donc ils viennent voir les juifs qui sont supposés de suivre l'exemple des prophètes, qui sont supposés de suivre la Torah, qui sont supposés de suivre Moussa alayhi salam, et ils leur demandent, qui sont supposés d'être sur le tawhid, et ils demandent aux juifs qui est sur le haq. Est-ce que ce sont les musulmans ou est-ce que ce sont les gens du shirk, les mushrikoun de Quraysh? Et les juifs, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, c'est vous les gens du shirk, c'est vous qui êtes sur la vérité, et les musulmans sont dans l'égarement. Donc, ils rejettent le tawhid sur lequel les musulmans sont sur la voie de vérité et ils donnent la tazkiyah à qui? il donne la tazkiya aux mushrikin, aux gens qui adorent les idoles et qui font tout ce qui est opposé à la religion d'Allah et qui rejettent les messagers et les prophètes. Donc ça c'est un témoignage, hein, faux, un faux témoignage de leur part. Et donc ça c'est un exemple. Et les mushrikoun utilisent l'exemple des chrétiens pour essayer de justifier ce qu'ils sont en train de suivre comme fausseté. Et ils disent « Ma sami'na bihada fil millat al-akhira » On n'a pas entendu parler de ça dans la dernière religion. C'est-à-dire, on n'a pas entendu parler du tawhid dans l'ancienne religion, dans la dernière religion qui est venue. Ce ne sont que des mensonges. Hein, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, peu importe qu'est-ce que ça peut être, ça doit être rejeté. On n'a pas entendu ça de la part des chrétiens, parce que les chrétiens appellent à la Trinité et vous, les musulmans, vous appelez au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que vous amenez, c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de nouveau, hein? Allahu musta'an. Donc ils utilisent la religion qui a été falsifiée par les chrétiens, hein, qui ont déformé le message de Isa alayhi salam, pour essayer de justifier la religion du shirk et pour opposer la da'wah du tawhid. Parce que la da'wah du prophète Isa alayhi salam, la da'wah de Jésus, c'est la da'wah du tawhid, c'est la da'wah de l'unicité d'Allah, d'appeler les gens à adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire en l'unicité et non pas en la Trinité. Mais les chrétiens ont falsifié par la suite le message d'Isa alayhi salam, et les mushrikoun de Quraysh essaient d'utiliser cette falsification en leur faveur pour essayer de justifier le shirk qu'ils font eux-mêmes. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit regardez comment les imposteurs essaie justement de brouiller les choses et de mélanger la vérité et le faux pour essayer d'obstruer le chemin de la vérité et le chemin de la clarté. Mais la clarté, la vérité, elle est claire. Le cheikh dit la vérité, elle est claire. Regardez, qu'est-ce que Allah dit dans le verset 81 dans Sourate Al-Isra, dit la vérité est venue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux hommes, dis au Muhammad, la vérité est venue et le faux est disparu. Certes, le faux, par sa nature même, disparaît. Le faux, la fausseté, par sa nature même, elle est portée à disparaître. Inna al-batila kana zahuqan. Zahuq, ça veut dire elle disparaît, elle ne peut pas rester. Et ça, ça veut dire que c'est sa nature, elle est comme ça. Le batil, il ne peut pas rester. Le cheikh, il dit ensuite, دعوة الحق واضحة من أول طرحها فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل من مجلس واحد ينصرف وقد انصرف بوجه غير الذي أتى به لماذا من مجلس واحد تتضح له الدعوة فكن أيها السني أيها السلفي أيها المقتدي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأن الوضوح يختصر الطريق فتصبح لك الدعوة واضحة لذلك المدعو فيتغير من يأتي مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم من أول مجلس يجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هم أتباع الرسل دعوتهم واضحة جلية. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit la da'wah de vérité, elle est claire. Depuis la première fois, la première présentation, hein, elle est claire. Tu vois qu'un homme venait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand il quitte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il retourne chez lui, il quitte avec un visage différent d'avec celui avec lequel il était arrivé au tout début. Pour quelle raison? Parce que depuis la première assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait avec clarté quelle était la da'wah du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à quoi il appelait. Et donc quand il arrivait devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il avait mal compris certaines choses ou qu'il ignorait certaines choses au sujet de la da'wah, lorsqu'il retournait chez lui, il avait un autre visage. Hein? Il était heureux, il était satisfait, il était convaincu par ce qu'il avait entendu et vu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du premier coup. Hein? Donc le cheikh il dit, la da'wah elle était claire depuis le début. Il n'avait rien à cacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, son objectif et son but c'était de faire connaître aux gens la vérité depuis le début. Hein? C'est pas comme certaines personnes aujourd'hui. Tu peux rester avec eux pendant 5 ans, 6 ans. Et encore là, tu ne vas pas être capable de savoir à quoi il appelle cette personne. C'est quoi son message? C'est quoi son fondement? Vers quoi il amène les gens? Hein? Pourquoi? Parce que leur da'wah, elle n'est pas claire. Hein? Leur objectif, elle n'est pas claire. Leur but, elle n'est pas claire. Hein? Leur but, il n'est pas clair. Tout ça, on va donner des exemples, Inch'Allah, par la suite. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi donc? Pourquoi cette personne, elle part avec un visage autre que celui avec lequel il est arrivé? C'est parce que cette da'wah, elle était claire. Depuis la première rencontre, il savait déjà qu'est-ce que c'était cette da'wah. Alors, toi qui es sunni, ô toi qui es salafi, c'est-à-dire ô toi qui es sunni, c'est-à-dire qui est sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur la sunna des khulafa ar-rashidin, hein, toi qui veux suivre cette voie-là, et qui veux s'écarter des innovations et des bid'ahs, hein, et de tout ce qui oppose la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu veux suivre la sunna, ô toi qui es salafi, c'est-à-dire tu veux suivre l'exemple des salaf al-salih, l'exemple des sahaba, l'exemple des tabi'in, les étudiants, les élèves qui ont appris leur religion directement de la bouche des sahaba et des tabi'in, c'est-à-dire des étudiants, des élèves de ceux qui ont appris leur religion après les tabi'in, directement de la bouche des tabi'in. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre eux. C'est direct. Les sahaba apprennent leur religion de qui? De la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in, ils apprennent leur religion de qui? Directement de la bouche des sahaba et de l'exemple des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Et les tabi'in, ils apprennent leur religion de qui? Directement de la bouche des tabi'in, sans intermédiaire. Et cette religion, elle s'est transmise de cette manière. Et c'est eux qu'on est ordonné de suivre, c'est-à-dire nos salaf al-salih. Allah, il nous ordonne dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans la sunna de suivre leur exemple. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un choix. On n'est pas libre là-dedans d'être salafi ou de ne pas l'être. C'est une obligation qui est sur la tête de chaque musulman et de chaque musulmane de suivre l'exemple et la compréhension des salaf al-salih. Personne n'a le droit de dire s'il est musulman qu'il n'est pas salafi. Parce que s'il dit qu'il n'est pas salafi, il a témoigné contre lui-même qu'il est sur la voie des gens de bid'ah et qu'il est sur une voie autre que celle des salaf al-salih. Et les salaf c'est qui? C'est les sahaba. C'est les tabi'in, c'est les tabi'in. Est-ce que toi tu comprends l'islam mieux qu'eux? Est-ce que toi tu as une version de l'islam meilleure que leur version? Si c'est le cas, alors sache que tu es dans l'égarement. Donc le cheikh il s'adresse à celui parmi les musulmans qui veut être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut être sur la voie des salaf al-salih. Il dit, ô toi le salafi, ô toi le sunni, ô toi le salafi, c'est des synonymes. Si certains individus essaient de mettre des ambiguïtés ou des doutes sur le fait de se dire salafi, comme c'est le cas de la part de certains individus qui sèment le doute, hein, parmi les gens qui veulent suivre la voie droite aujourd'hui ou qui veulent suivre le chemin clair, ils sèment des ambiguïtés pour essayer de faire hésiter ou dire aux gens il faut éviter de se dire salafi. Alors est-ce que tu as une hésitation sur le fait de te dire sunni? Hein? Ils disent, ils ramènent certaines fatwas de certains ulama dans lesquelles les questions ont été posées. Certaines personnes, quand ils écrivent leur nom sur un livre ou sur quelque chose, un livre ou quelque chose qu'ils ont écrit, ils écrivent leur nom et à la fin de ce nom, ils vont ajouter par exemple Al-Assalafi ou bien Al-Athari. Donc ils posent la question au cheikh en question, est-ce que ça c'est correct ou bien ça, il y a dedans une forme de tazkiya, une forme de vantardise. Et le cheikh en question, il répond que ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rajouter à la fin de son nom Al-Athari ou Al-Salafi. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette fatwa, puis ils la diffusent sur Internet avec une traduction française pour essayer de faire croire aux gens que dans cette fatwa, il y a quelque chose qui interdit aux musulmans de se dire salafi ou de se dire athari. Alors que la fatwa elle-même, elle n'a jamais parlé de ça et elle n'a jamais mentionné ça. Dans le sens que si tu regardes les livres de Cheikh Abdelaziz ibn Baz et les livres de Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani ou les livres de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin ou les livres des grands ulama comme Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i ou de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ou des autres mashaykhs parmi les ulama Cheikh al-Fawzan ou autres, est-ce que tu trouves qu'à la fin de leur nom ils ont écrit al-Salafi ou al-Athari? Pas besoin, parce que tout le monde sait que ce sont des salafis et que ce sont des gens qui suivent al-Athar et qu'ils sont athari. Et tu le vois dans leur méthodologie et dans leur manhaj, et c'est clair. Donc c'est pas nécessaire de le dire, mais est-ce que ces ulama-là ont dit il faut pas se dire salafi? Bien au contraire. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a dit que le fait de se dire salafi, c'est une tazkiya wajiba. C'est une tazkiya, comme eux ils le traduisent par vantardise, et bien c'est une vantardise obligatoire. Est-ce que le fait de se dire sunni, c'est une vantardise? Eh bien, c'est une vantardise, oui. C'est une fierté de se dire sunni. Et est-ce que parce que c'est une fierté, on va cesser de se dire sunni? On va se dire quoi alors à la place si on n'est pas sunni? On va se dire on est des bid'i pour pas avoir une vantardise ou pour pas avoir de fierté d'être sur la sunna? Et quand on se dit musulman, c'est pas une vantardise ça? C'est pas une fierté? Il y a pas une fierté dans le fait d'être musulman? Est-ce qu'on va cesser de se dire musulman pour dire qu'on n'a pas de fierté? C'est une fierté et une vantardise obligatoire. Donc de se dire salafi, c'est une obligation. C'est quelque chose qui fait partie de cette religion. D'être salafi, d'accepter la salafia dans ses principes, c'est une obligation. Quand ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani, la même chose. Il y a un homme qui est venu le rencontrer, commence à dire « Ah, cheikh, j'aime pas tellement le terme salafi, ça crée un peu de division, ça crée un peu d'animosité entre les gens. » Donc on veut pas dire salafi. Alors le cheikh, il a commencé à débattre avec lui, à argumenter avec lui, comme on le connaît. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, c'est sa méthodologie. Quand il faisait des dialogues avec certains individus pour leur montrer la vérité, il argumente avec eux. Il ramène des preuves et des explications. Et donc il lui pose la question, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut suivre le Coran et la Sunna? Il a dit oui. Tous les groupes disent qu'ils suivent le Coran et la Sunna. Donc il faut rajouter quelque chose pour se distinguer de ces gens-là. Et c'est la compréhension des salafs salih, la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont les sahaba, les tabi'in et les tabi'i tabi'in. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il dit oui, je suis d'accord avec ça. Donc il dit, est-ce qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu vas dire je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs salih? À chaque fois, c'est une longue phrase. Donc pour la raccourcir et pour la résumer, eh bien c'est beaucoup plus facile de dire je suis salafi. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu dis je suis salafi, ça veut dire je suis le Coran et je suis la Sunna selon la compréhension des salafs salih. C'est ça que ça veut dire salafi. Et quand tu dis, par exemple, je suis sunni, eh bien c'est la même chose. Dans sa compréhension globale et complète de la Sunna, qu'est-ce que ça signifie la Sunna? C'est pas juste de dire sunni dans le sens que je suis pas chiite. Certaines personnes, ils pensent qu'il y a deux sectes dans l'islam, la sunna, les gens de la sunna et les shi'a. Donc il dit, si t'es pas shi'i, automatiquement t'es sunni. Alors que c'est pas le cas. Parce que parmi ceux qui se prétendent être sur la sunna ou qui se disent sunnites, il y a des khawarij qui sont pas des shi'a. Il y a des mu'tazila qui sont pas des shi'a. Il y a des asha'ira qui sont pas des shi'a. Il y a des maturidiyya qui ne sont pas des chiites. Il y a des soufis avec des centaines de turqs. Naqshbandiyya, Shadiliyya, Rifa'iyya, Qadiriyya, Saharwardiyya, جستية تجانية مريدية إلى آخرها. يعني tu peux en mentionner comme ça des centaines et des centaines, et eux ils sont pas chiites, hein, et ainsi de suite. Et tu peux continuer à en nommer comme ça. Tous ces groupes-là ne sont pas des chiites. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sunnites? Non. Parce que d'être sunnite, ça veut dire que tu as rejeté la bid'ah. Donc si tu n'as pas rejeté ces bid'ah-là, comment tu peux prétendre être sunni? C'est une contradiction. C'est pour ça que, comme le cheikh il va le mentionner tout à l'heure, il y en a qui ont présenté leur jama'at, leur groupe, ils disent... Notre groupe, c'est une da'wa soufiyatun salafiyya. Notre groupe, c'est un groupe soufi salafi. Hein? Comme Hassan al-Banna, quand il a décrit son groupe. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, de la secte des frères musulmans. Quand il a décrit son groupe, il a dit, notre groupe, c'est un groupe soufi salafi. C'est comme s'il dit, notre groupe, c'est un groupe de bid'a et de sunna. C'est comme s'il disait ça. Et ça, c'est une contradiction. Et l'islam n'accepte pas la contradiction. Hein? Donc tout ça pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le cheikh est en train de dire, il s'adresse à vous. Laissez pas les gens commencer à mettre des ambiguïtés. Hein? Et certains disent, ah oh, mais il y a des gens qui font le takfir, et qui sont des khawarij, et qui se disent salafi. C'est vrai, il y en a des gens qui essaient de se prétendre salafi, et qui font des attentats, comme les groupes qui se prétendent salafistes, hein, ou salafis, et qui font des actes terroristes ou des choses de ce genre. Est-ce qu'on va leur laisser ce nom-là, parce qu'eux, ils veulent se l'approprier, ou bien on va défendre ce nom, et on va le purifier de ce que ces égarés ont essayé de lui coller? Eh bien, on doit défendre ce nom. S'ils s'approprient de l'islam et du mot musulman, est-ce qu'on va leur laisser? S'ils s'approprient du mot sunna, est-ce qu'on va leur laisser et rien dire? Et s'ils veulent s'approprier de la salafia, est-ce qu'on va leur laisser et on va rien dire? Au contraire, non. Il faut défendre le terme et cette appellation qui est une fierté et un honneur. Et la salafia s'oppose à tout ce qu'ils font et eux s'opposent à tout ce que faisaient nos salafs salih. Et donc c'est notre devoir de ne pas les laisser se dire salafi et de clarifier aux musulmans qu'est-ce que c'est la réalité de qu'est-ce que nos salafs ont pratiqué et suivi comme religion. Et ça, ça implique d'avoir la connaissance et de comprendre qu'est-ce que c'est l'exemple des salafs. Et ça, on ne peut pas le savoir sauf en étudiant. La même chose que la sunna. Si tu ne connais pas, si tu ne l'étudies pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui n'est pas sunna. Et donc, il faut expliquer aux musulmans. S'il y a des ambiguïtés, on clarifie l'ambiguïté. Et on explique l'ambiguïté pour qu'il n'en reste plus par la suite. Donc, Ayyuha sunni, Ayyuha salafi, ô toi, celui qui veut suivre les traces du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sois toi aussi clair. Parce que le fait d'être clair, clair et sur la clarté, eh bien, ça va te raccourcir le chemin. Ça va te raccourcir le chemin. C'est comme le dicton en arabe, on dit « As-saraha raha ». Hein? « As-saraha raha ». C'est-à-dire le fait d'être sarih, d'être clair, d'être direct, d'être clair dans notre méthodologie, dans notre voie, eh bien, ça nous donne le repos. Ça nous laisse en paix. « As-saraha raha ». Hein? Masha'Allah. Donc, c'est ce que le cheikh il dit. Ça te raccourcit le chemin. Au lieu de passer par plein de détours, tu vas droit au but. Hein? Directement à ton objectif. Sans tourner à gauche ou à droite. Et donc, une fois que tu as pris cette voie de la clarté, et cette da'wah, et que tu as expliqué à la personne que tu veux inviter, tu lui expliques directement et clairement la chose à laquelle tu invites, eh bien, c'est ce qui amène en fait que par la suite la religion elle soit clarifiée. Et c'est ce qui va ramener les situations comme celles qu'on a vues à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où un homme venait pour la première fois et s'assoyait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il repartait avec un autre visage. Il comprenait la da'wah du prophète. Pourquoi? Parce qu'auparavant, Peut-être qu'il avait entendu ce que d'autres personnes avaient dit. Ce que d'autres personnes avaient dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de sa da'wah, au sujet de son message. Comme vous allez entendre des gens aujourd'hui, s'ils ne sont pas musulmans, ils entendent des choses à la télé, ils entendent des choses à la radio, ils lisent des choses dans les journaux, sur l'islam et sur les musulmans. Quand ils viennent et s'assoient, ils commencent à chercher sur l'islam, ils voient que ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, c'est le contraire de ce qu'ils ont entendu comme les rumeurs. Alors ils commencent à changer d'attitude envers l'islam, ils commencent à s'ouvrir à l'islam. La même chose pour les gens de bid'ah, qui ont terni l'image des gens qui sont sur la voie des salafs et qui essaient de leur donner une autre réalité pour faire fuir les gens. Ah, ces gens-là, ils sont durs. Ces gens-là, ils sont comme ça. Ces gens-là, ils sont comme ci. Hein? Et pour dire, ah, il faut pas aller vers eux. Ce sont des extrémistes. Ce sont des gens durs. Ce sont des gens comme ci, comme ça. Pour faire une réputation mauvaise à la vérité et à la da'wa de la clarté. Puis, lorsque les gens commencent à lire les écrits des ulama, à lire les explications de Ahl Sunnah et les ulama de Ahl Hadith, hein, et des ulama qui suivent la voie des salafs, ils voient la réalité que ce n'est pas qu'est-ce qu'ils avaient entendu de ce que les gens ont raconté sur eux et à leur sujet. Et ils ont un autre visage par la suite. Hein. Donc ça, c'est très important. D'être clair et d'expliquer aux gens la chose telle qu'elle. Et de même que tous ceux qui suivent les messagers dans leur façon d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils suivent cette voie qui est claire. Qui est éclatante. فالوضوح من العلانية وهو من تمام الضحى والنور والضياء بخلاف الغلس وبخلاف التعمية وبخلاف التلون وبخلاف الكدر فكلها تخالف الوضوح فالوضوح واضح من حيث ما أتيت وهذا من حيث ما أتيت. Donc le cheikh il dit que la clarté ça vient de quoi? Ça vient du fait d'être ouvert, de divulguer les choses, de montrer les choses ouvertement. Et c'est comme la clarté du matin, la lumière, hein? La clarté contrairement à l'obscurité, contrairement à l'ambiguïté, contrairement au fait d'être changeant de couleur, de changer de couleur selon les lieux ou les événements. At-talawun, hein, qu'est-ce qu'on appelle at-talawun? Ça veut dire de changer de couleur selon la personne avec qui tu t'adresses, comme les caméléons. Quand il est avec une personne, il est d'une couleur. Quand il est avec l'autre personne, il est d'une autre couleur. Quand il est avec un groupe, il est d'une autre couleur, comme les munafiqin, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit dans le Coran, il dit ça à leur sujet. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, hein? Lorsqu'ils sont tout seuls entre eux, ils disent quelque chose différent de ce qu'ils sont en train de dire lorsqu'ils sont devant les autres. Hein? Ça, c'est la description des munafiqins. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Hein? Donc quand tu les vois comme ça, ils vont avec les salafiyins, avec les gens sur la sunna, ils ont un visage. Quand ils sont entre eux, avec les gens de Hizbiyya, avec les gens de Takfir, avec les gens de Ikhwan, avec les gens de Tablir, avec les gens d'Égarement, ils ont un autre discours. On fait juste se moquer d'eux. On n'est pas avec eux pour de vrai. Hein? On veut juste voir qu'est-ce qu'ils disent. On veut juste voir si c'est ça. Ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas un seul visage. Ils ont, comme le prophète Sansam a mentionné, Zul Wajhain. Ils ont plusieurs visages, deux visages, ou plus même, selon la personne avec qui ils sont. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, Fal wudu'h. Donc, la clarté, c'est d'être apparent, d'être ouvert. Et c'est le contraire de l'obscurité, de l'ambiguïté. Donc, tous ces modèles-là et ces exemples-là qu'on a dit, comme le fait de changer de couleur, le fait d'être flou, d'être ambigu, hein? Ça c'est l'opposition, c'est qu'est-ce qui oppose la clarté. La clarté, elle doit être claire, de peu importe de quel endroit tu es, de peu importe où tu es, hein? lorsque tu la retrouves, elle est telle qu'elle est, elle ne change pas. La vérité, elle reste toujours la même. Le Cheikh dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'watuhu wadiha, ma'al jami'a. هنا لما انقدم الى المدينه هذه المدينه النبويه من هذا المكان من مسجد قباء انطلقت الدعوه بوضوحها وصفائها فجعلت المنافقين يستترون ولا يقابلونها الا بان يعلنوا الاسلام وقد اخفوا ما اخفوا وهكذا دعاه المبطلين لا يظهرون واما اصحاب الوضوح فهم أصحاب العلانية فإياك وأصحاب الخفاء. Donc le Cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa elle était claire avec tout le monde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, dans cette ville, la ville prophétique, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet endroit, Masjid Quba, la mosquée Quba, parce que le Cheikh il était en train de faire cette conférence dans la mosquée Quba à Médine. Donc, il dit, de cet endroit, c'est de là qu'est partie la da'wah, dans sa clarté, hein, dans sa pureté. Elle était tellement claire que c'est ça ce qui a amené à ce que les munafiqoun, les hypocrites, se cachent, se camouflent, hein, et qu'ils l'acceptent en apparence, qu'ils montrent en apparence qu'ils acceptent l'islam, alors qu'ils cachent ce qu'ils cachent. De même que les imposteurs, hein, c'est la même attitude de leur part. Ils montrent quelque chose qui est contraire de ce qu'ils cachent dans leur cœur. Ils ne disent pas ouvertement ce qu'ils pensent. Et c'est comme ça les gens de bid'a et les gens d'égarement. Toujours à cette. Hein, quand tu les vois de la première fois, ils ne vont pas te dire la réalité de ce à quoi ils appellent du premier coup. Ils ne vont pas te parler de la réalité de ce qu'ils veulent. Ils vont commencer à te parler d'autres sujets et te dire des vérités, certaines vérités sur ces choses-là, pour te prendre petit à petit et t'amener avec eux là où ils veulent t'amener. Et une fois qu'ils ont réussi à t'amener là où ils te veulent, eh bien là, c'est là qu'ils te prennent avec leurs shubuhat et avec leurs égarements, pour t'amener petit à petit vers les voies de dalal. Donc les gens de la vérité ne sont pas comme ça. Les gens de la clarté n'utilisent pas ces méthodes-là. Ils disent la chose telle qu'elle est claire depuis le tout début. Hein? Ça c'est les gens qui divulguent les choses telles qu'elles, les gens qui ne sont pas en train de se cacher. Alors faites attention aux gens qui appellent à des choses ambiguës, à des choses cachées, à des choses mystérieuses ou secrètes, qu'ils ne disent qu'entre des petits groupes ou dans des assises privées et qu'ils ne disent pas devant les autres. فتميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوحها وعلانيتها فعندما تجد من ليس كذلك فهذا عنوان على أنه على خلاف منهاج النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته واضحة جلية في العقيدة وبيان الهدف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. دعوة واضحة جلية جميع الأنبياء والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوتهم ولذلك expliquer qu'est-ce que le Cheikh il dit. Il dit, c'est comme ça que cette da'wa, la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est distinguée par sa clarté, par le fait qu'elle est divulguée et qu'elle est ouverte. Hein? Et donc, lorsque tu trouves quelqu'un, une personne quelconque, qui est en train de faire autre chose que ça, et d'appeler à quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas ouverte, qui n'est pas divulgué, alors sache que cette personne-là, elle est sur une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois des gens qui se disent musulmans, qui se disent être sur la sunna, hein, et même parfois qui vont aller jusqu'à dire salafi, ou se dire salafi. Tu les vois pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou plus même, qu'ils prétendent ou qu'il appelle à la da'wa ou à l'islam, et qu'ils font des conférences sur l'islam, et qu'ils donnent des cours sur l'islam, et qu'ils ont des sites islamiques, et qu'ils parlent de religion. Pendant toutes ces années, on n'a pas encore su c'était quoi leur aqidah. Pendant toutes ces années, on n'a pas encore su c'était quoi leur méthodologie, c'est quoi leur manhaj, parce qu'ils ne l'ont jamais clarifié. Est-ce que ça c'est la voix des prophètes? Est-ce que ça c'est la voix des messagers alayhim salatu wassalam? On sait que les messagers, comme le cheikh il le mentionne, la première chose à laquelle ils appellent, c'est à la aqidah, c'est au tawhid, et c'est à la croyance, et c'est à la méthodologie des prophètes. C'est la première chose, c'est la priorité, c'est la base. Comment quelqu'un qui prétend appeler à l'islam, appeler à la religion d'Allah, appeler à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis pendant toutes ces années, il parle de religion, il parle d'islam, on n'a pas entendu un dars ou plus sur les questions qui clarifient la aqidah et qui clarifient les égarements de ceux qui ont dévié dans les questions de l'aqidah. On n'a pas vu, ou on n'a pas entendu, on n'a pas lu d'explications et de clarifications sur le manhaj et la clarification des gens qui ont dévié du manhaj des salaf al-salih. Comment tu peux prétendre par la suite te dire sur la sunna ou appeler à l'islam ou appeler à la salafia alors que pendant toutes ces années-là tu laisses les gens dans l'ambiguïté et tu les vois qui donnent des conférences sur le bon comportement dans l'islam. Ils vont donner des conférences sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sirah. Ils vont donner des conférences sur le tafsir. Ils vont donner des conférences sur le fiqh. Ils vont donner des conférences sur plein d'autres sujets dans l'islam. Et tout ça, c'est des choses importantes. Et tout ça, c'est des choses qui font partie de la religion d'Allah. Mais qui sont des choses qui viennent après avoir clarifié et expliqué les bases et les fondements de notre aqidah. Et les bases et les fondements de ce manhaj qui est le manhaj des salaf al-salih. Tu ne peux pas mettre autre chose avant ça. Avant de construire ta maison, tu dois commencer par la fondation. Tu ne peux pas commencer à bâtir ta maison sur le sable. Parce que si tu bâtis ta maison sur le sable, eh bien, au moindre vent, à la moindre secousse, ta maison, elle va s'écrouler. Et c'est ça le malheur. Et c'est ça qui se passe de la part de ces gens-là qui ont éduqué des gens pendant des années sans leur clarifier les fondements et les bases du tawhid et de l'aqidah et des fondements du manhaj. Ils ont enseigné aux gens des choses qui viennent en second, hein, qui viennent après avoir compris les bases de l'islam. Et c'est ça le malheur des gens qui ont opposé la voie de la clarté et la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Tu prétends appeler à l'islam, tu contredis la voie des prophètes. Tu prétends appeler à l'islam, tu appelles à autre que la voie de la clarté, tu appelles à d'autres choses. Tu commences pas par la da'wa au tawhid, la da'wa à l'aqidah, parce qu'ils disent, mais non, on veut pas parler d'aqidah, parce que si on parle d'aqidah, on va diviser les gens. Subhanallah. Et si on divise les gens en leur parlant d'aqidah, alors qu'est-ce qui va les réunir? Hein? La nourriture? C'est pas à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par qu'est-ce qui divisait les gens à l'époque, c'est le tawhid, la ilaha illallah. On a vu des exemples de ça, et on va en donner d'autres par la suite. Donc, de commencer par les bases et par la aqidah. Regardez les gens qui sont connus ou qui prêchent et qui sont connus comme étant des prêcheurs à notre époque, dans différents pays, que ce soit ici en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe en général, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Regardez ceux qui prêchent à l'islam et qui ne traitent jamais des bases de la aqidah, qui ne parlent jamais de manhaj et qui ne clarifient jamais aux gens ces questions-là. Regardez qui ils sont, vous allez reconnaître tout de suite ceux qui sont sur la voie claire et ceux qui sont sur autre que la voie claire. Ceux qui suivent autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il continue. Il dit donc que cette da'wah elle se distingue par sa clarté. Et si vous voyez quelqu'un qui fait autre chose que la clarté, alors il est sur autre que le manhaj, sur la méthodologie des prophètes alayhi wassalatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair, sa da'wah était claire. Elle était évidente, il n'y avait pas d'ambiguïté dedans. Il était clair dans sa aqida, il était clair dans ses objectifs. Hein? Pourquoi vous n'allez jamais voir, par exemple, un takfiri ou un djihadi venir sur le mimbar commencer à dire clairement qu'est-ce qu'il a dans la tête ou dans le cœur? Parce qu'il sait que les gens sont contre ce qu'il dit, que tout le monde va le rejeter. Hein? C'est pour ça qu'ils sont obligés de se cacher pour faire leur da'wah. Mais celui qui appelle au Coran et à la sunnah et à la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à craindre. Il dit ouvertement et clairement ce qu'il dit en privé, c'est la même chose que ce qu'il dit devant tout le monde. Il n'a pas un double langage. Il n'a pas un langage qui change, une langue différente avec chaque personne. Et il ne parle pas avec des codes ou avec des mots codés, un langage codé. C'est-à-dire que tu vas utiliser des mots, eux ils vont comprendre quelque chose, et les autres vont comprendre autre chose. Et toi, t'es satisfait de ça parce que c'est ça ce que tu veux. Que chacun il comprend ce qu'il veut de ce que tu dis. Parce que c'est pas clair ta darwa. Hein? Tu restes dans le flou et dans l'ambiguïté. Donc, le but, l'objectif et la aqida doivent être clairs. Il mentionne un verset, les versets 86 à 88 dans Sourate Sad, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit je ne vous demande aucun salaire, hein, pour qu'est-ce que je fais, le fait d'appeler à Allah et pour vous appeler à l'islam et vous clarifier la vérité. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent ou un salaire. Et je ne suis pas parmi les imposteurs. Ce n'est qu'un rappel pour les mondes et vous allez certes en avoir des nouvelles bientôt. Donc c'est une da'wah qui est claire. Et tous les prophètes et tous les messagers ont fait leur da'wah de cette manière, en disant adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. C'est ça la da'wah. C'est ça leur da'wah. Et donc le cheikh il dit وَلِذَلِكَ أَتَوْ أَصْحَابَ الْمَصَالِحِ يريدون أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال بلغة العصر بعد الأهداف المشتركة وهي قاعدة التعاون والإعذار يعذر بعضنا ونتفق على أشياء ونتنازل من أشياء فماذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك فقالوا لا نقطع أمرا دونك ثم عرضوا عرضا آخر وهو المال قالوا نجعلك من أغنانا نجمع لك الأموال ثم عرضوا عرضا آخر وعرضا أخير نزوجك أجمل النساء ولذلك سقط من سقط وهلك من هلك في إحدى هذه الثلاث إما أنهم استزلتهم الأمور السياسية ومسائل الحكم وشؤون ذلك فسقطوا فلم يستطيعوا أن يستمروا على ما هم عليه فنحوا منحا آخر فالوضوح لا يمكن أن يجتمع مع لغة اللف والدوران فسقطوا في هذا وأصحاب المغريات المالية تنافسوا فيها وتساقطوا فيها فأصبحوا من أهل الحيل من أهل الحيل وأهل الأموال التي لا يخفاكم شأن الكثير ممن سقطوا في هذا وأما فيما يتعلق في النساء فهي أشد على الرجال الحاذق مهما كان في حذقه فهو سهل السقوط Donc le cheikh il dit, ils sont venus, les gens qui ont des différents intérêts, ils sont venus pour essayer d'appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la collaboration ou à l'acceptation de certaines choses, de faire des compromis. Il l'appelle dans ce qu'on appelle à, dans le langage contemporain, les objectifs communs. Hein, les objectifs communs. C'est-à-dire la règle des gens de bid'a et des garma à notre époque, qa'idatu ta'awun wal i'dhar. C'est-à-dire on a des objectifs communs. Donc et allez, tout ce qu'on a en commun qui nous unit, eh bien on s'unit là-dessus et on laisse de côté tout ce qui nous divise. Sans prendre en considération qu'est-ce qui fait partie des fondements ou qu'est-ce qui fait partie des aspects ou des questions de divergence d'ijtihad basées sur les différences de compréhension entre les ulama à cause d'une une divergence de compréhension des textes, hein, chez les mujtahidin. Ils ne font pas cette distinction-là. Eux, ils disent les objectifs communs, peu importe qu'est-ce que sont ces objectifs-là et peu importe si les choses qui nous divisent sont des choses qui font partie des fondements de l'islam, si ça nous divise, on le met de côté. Et si ça nous unit, eh bien on s'unit là-dessus. C'est la règle qu'ils appellent la règle d'or, qui est la règle qui était ramenée par Mohamed Abdou et Mohamed Rachid Reza, et que Hassan al-Banna a repris après, hein, aussi Jamaluddin al-Afghani, hein, c'est ce groupe-là, eh bien, qui, certains d'entre eux étaient des francs-maçons, yani, et il y a des documents, il y a des preuves à ce sujet-là. Yani, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette règle qui dit, yani, نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Donc, on va collaborer, travailler ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on va s'excuser les uns les autres sur les choses qui nous divisent. Hein? Et on s'excuse les uns les autres. Hein? Même si c'est des questions de base dans la religion. Yani, le tawhid, ça nous divise, on n'en parle pas. La aqida, ça nous divise, on n'en parle pas. Le manhaj, ça nous divise, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui nous unit? Les bons comportements, les belles valeurs, hein? Ça nous unit avec toutes les religions du monde. Les bouddhistes, les hindous, les krishnas, hein? Les adorateurs des rats et des vaches, des singes, hein? Et des images, les adorateurs de la croix, les adorateurs des tombes, les adorateurs de rien, hein? Ceux qui adorent rien, qui croient en rien, Allah nous ta'an, et yani, tous ceux qui sont sur autre que l'islam, ça nous réunit avec tout le monde, parce que tout le monde appelle à avoir un bon comportement, et à être honnête, et à ne pas voler, et à ne pas tuer, et à ne pas mentir. Ça, c'est des valeurs universelles, ils disent. Et nous, donc, on doit s'unir sur ça, et le tawhid, et la sunna, et la aqida, et les fondements de l'islam, ça nous divise. Donc il faut laisser ça de côté, il ne faut pas en parler. Hein? Concentrons-nous sur les valeurs universelles. Allahul Musta'an. C'est ça leur langage aujourd'hui. On va s'unir sur certaines choses, puis on va faire des compromis, et on va transiger dans les choses qui vous dérangent. S'il y a quelque chose dans l'aqida qui vous dérange, on le laisse de côté. S'il y a quelque chose dans la charia qui vous dérange, on le laisse de côté. On va que parler et accepter ce que vous êtes d'accord et ce que vous acceptez. On va pas parler des sectes, on va pas parler des groupes, on va pas parler des différentes religions, on va pas dire que les chrétiens sont des koufars parce qu'ils adorent Isa ibn Maryam ou parce qu'ils adorent une croix. On va pas dire que les juifs sont des koufars parce qu'ils croient pas en Isa, ou parce qu'ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou parce qu'ils ne croient pas en le Coran et à l'Injil, ou parce qu'ils disent des paroles de coffre, et ainsi de suite. On ne va pas mentionner ces choses-là, parce que ça va créer des problèmes, des conflits, donc on laisse ça de côté. Hein? On va démocratiser l'islam, hein? On va laïciser l'islam, et on va tous s'unir sur des valeurs universelles. C'est ça leur da'wah. Ça, c'est la da'wa des ikhwan aujourd'hui, de ceux qui leur ressemblent. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun ont essayé de faire la même offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appeler à cette règle, eux aussi. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu veux être notre roi? On va te donner le pouvoir. Et c'est toi qui vas être le roi sur nous. Tous les Arabes, on va t'obéir. On ne va pas décider de quoi que ce soit sans revenir vers toi pour te demander ton opinion et ton jugement. Et ils lui ont fait une autre offre aussi. Ils ont dit, est-ce que c'est l'argent que tu veux? Si c'est l'argent que tu veux, eh bien, on va te donner toute la richesse que tu désires. On va réunir notre argent, puis on va te la donner. C'est toi qui vas être le plus riche d'entre nous. Et ils lui ont fait une autre offre. Ils disent, est-ce que c'est les femmes que tu désires? Eh bien, si c'est les femmes que tu désires, eh bien, on va te donner en mariage nos plus belles parmi les femmes. Hein? Donc ça, c'est par les tentations de la dunya. Ils ont essayé de le tenter par les choses de la dunya. Hein? Et beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, et à toutes les époques malheureusement, mais à notre époque en particulier, beaucoup de gens qui appelaient à l'islam et qui étaient sur la voie de la da'wa, eh bien, sont tombés à cause de ces tentations-là aujourd'hui. À cause des tentations de l'argent, hein, ils ont été pris par exemple dans les questions politiques et les questions qui ont rapport avec le pouvoir et la gouvernance et tout ce qui est ces choses-là. Et ils ont voulu le pouvoir politique. Tu les as vus, hein, tu les vois par la suite qui sont rentrés dans les différents partis, soi-disant islamiques, ou même parfois non islamiques, et qui se sont présentés dans des élections, qui sont essayés de rentrer dans le Parlement. Et au fur et à mesure qu'ils essaient de s'introduire, eh bien, tu les vois commencer à modifier leur apparence, modifier leur discours pour être accepté, pour être, comme on dit au Canada, politically correct, politiquement correct. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Qu'est-ce qui est écrit dans la Sunna? C'est pas très politically correct pour eux. Il faut le modifier, il faut le changer, il faut le déformer, lui donner une autre signification pour que ça passe. Nasallallahu ala afiyah. Donc ça, c'est des exemples. Et ils sont tombés à cause de ce genre de choses-là. Ils n'ont pas été capables d'être clairs comme ils étaient clairs au début. C'est-à-dire que peut-être que ces gens-là, dans leur da'wa, au début, ils étaient clairs. Ils avaient une da'wa claire, au Coran et à la Sunna. Mais ils n'ont pas été capables de rester clairs. Parce que c'est le langage de la démagogie, ces idéologies de ce genre de démocratie et tout. Il faut que tu dises aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre pour avoir leur vote, pour avoir leur voix, pour avoir leur approbation. Tu ne peux pas rester droit et clair sur cette voie-là de l'égarement. Donc, ça les a dérangés. Ils ne peuvent pas rester clairs, ils ne peuvent pas rester sur la da'wa des messagers et des prophètes. Alors, ils commencent à changer et à prendre des tournants et différentes tournures. Et ils sont tombés. Il y en a d'autres qui sont tombés à cause des tentations et des désirs. À cause de yani, l'argent. Et ils ont commencé à faire toutes sortes de ruses pour se faufiler des règles et des lois et pour essayer d'arriver à leur objectif de ramasser de plus en plus d'argent. Et ces gens-là, vous en avez des exemples et ça, vous êtes au courant yani, de ceux qui sont tombés à cause de ces questions-là. Et en ce qui concerne les femmes, eh bien, l'homme, il est faible devant la femme, ça c'est connu, devant la tentation de la femme. Même l'homme le plus ferme, l'homme le plus intelligent, le plus ferme dans sa raison, devant la femme, il devient faible. Il peut tomber facilement dans cette voie-là. Et donc ça fait partie des choses qui ont fait tomber beaucoup d'hommes, et beaucoup de gens qui sont dans la da'wa. Allah al-Musta'an. Donc le Cheikh il dit, انظروا معشر الإخوة الكرام هذه الثلاث هي قوسم الظهر فيا طالب العلم كن على حذر من هذه الثلاث وأخص طالب العلم لأن الموضوع في وضوح الدعوة في وضوح المنهج وأثره في الدعوة إلى الله فعندما يعرف بأحد هذه الثلاث فإنها لها أثر على دعوته في الناس وهذا مما قد يعيق الكثير. Donc le cheikh il dit, alors assemblée de nobles frères, ces trois choses là c'est les trois choses qui cassent le dos de beaucoup de personnes. Alors ô toi qui es en quête de la connaissance de l'islam, fais attention et prends garde à ces trois choses, et en particulier l'individu parmi vous qui recherche la science de l'islam et qui est un talib ilm, parce que ce sujet là dont on parle c'est la clarté dans la da'wah. Donc faites attention à ces choses là le pouvoir, l'argent et les femmes. Ces trois sujets ou trois choses qui font tomber beaucoup de gens et qui brisent le dos de beaucoup de personnes, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc il faut être clair dans notre voie, clair dans la façon de suivre le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, et savoir les effets que cette clarté là va avoir dans notre da'wah. Et lorsqu'on est connu par une de ces trois différentes tentations là, eh bien ça peut avoir un effet justement dans la da'wah, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont des défaillances par la suite dans leur façon de faire la da'wah à Allah et d'appeler les gens à l'islam, parce qu'ils se laissent dévier et détourner, soit par le pouvoir, parce qu'ils ont un poste ou une position et ils ont peur de le perdre, donc ils déforment la réalité ou ils se détournent de la réalité à cause de ça, ou bien parce qu'ils veulent de l'argent, et donc ils ne veulent pas perdre ça, et donc ils se laissent défier à cause de ça aussi, et ou bien à cause des femmes et ainsi de suite. Et la fitna des femmes et de l'argent, c'est souvent relié entre elles, parce que yani, un homme, s'il veut entretenir une femme, il a besoin d'argent. Et donc ça nécessite beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples à ce sujet là qu'on a mentionné maintenant. Je sais pas jusqu'à si on a encore un peu de temps, ou bien c'est jusqu'à 6 heures la prière, c'est à 6 heures. Ok, 6 heures et 4 minutes, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va s'arrêter ici et on va continuer la suite de cette conférence à la prochaine intervention, inshallah, ce sera demain, mais venez là. Sinon, il y a après la prière de Asr, notre frère Ammar qui va venir pour lui aussi faire inshallah sa conférence, puis continuer le sujet qu'il va expliquer, et il va vous expliquer le sujet de sa conférence, inshallah. Nous, donc, on va continuer bi'idhnillah demain avec la suite de cette conférence de Cheikh Ramzan Al-Hajri, hafizahullah wa jazahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour qu'est-ce qu'il nous a mentionné comme clarification sur la da'wah et sur l'importance d'être clair dans notre da'wah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on profite de cette connaissance-là et qu'on soit capable de la mettre en application et d'être guidé par les exemples et les orientations qui sont mentionnées dedans. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.